Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. 16h. Votre journal Rislaine Kunda, bonjour. Bonjour à tous. C'est d'abord ce gros couac dans la distribution des moutons à Bruxelles pour l'Aïd el-Kébir, la fête musulmane du sacrifice. Depuis hier, des dizaines de familles attendent toujours leur carcasse. En cause, le nouveau système dans le rituel d'abattage. Pour la première fois depuis 10 ans, l'abattage est organisé par la région dans un lieu centralisé. Avant, c'était les communes qui se chargeaient de tout et cette année, elles ne font que redistribuer les moutons. Et donc hier à Scarbeck, sur les 114 personnes qui attendaient, personne n'a rien reçu. Et cet après-midi, les nouvelles ne sont pas plus claires. Le bourgmestre Bernard Clairefaille est furieux. On l'écoute. C'est la commune qui, hier, toute l'après-midi, a fait face au mécontentement des gens qui avaient pris congé, qui avaient organisé la fête pour recevoir leurs moutons dans l'après-midi, déjà en famille le soir, procéder à la fête autour de ce mouton. Il n'est pas arrivé et la commune fait face, de fait, à la colère des gens. On a essayé d'être en contact permanent avec la région, mais il n'y a maintenant aucune information. On ne sait pas quoi. Les informations changent tout le temps. L'heure d'arrivée des moutons change tout le temps. On ne sait plus quoi dire aux gens. C'est proprement scandaleux. Le bourgmestre Bernard Clairefaille au micro de Hélène Maquet. L'abattage avait été confié par la région à une société privée. L'explication de ce gros couac, un problème informatique, nous dit-on, et la difficulté de s'adapter aux lignes d'abattage installées. La direction de Caterpillar a une nouvelle fois décliné l'invitation des députés. Elle ne viendra pas s'expliquer en commission sur la fermeture de l'usine de Gosselies qui touche 2000 emplois. Deuxième refus donc après une première invitation. La direction de Caterpillar se justifie en expliquant que la loi Renault qui dirige la procédure de licenciement, réserve les informations au seul conseil d'entreprise qui a eu lieu hier matin. Des peines de 3 à 7 ans de prison requises à l'encontre des kamikaze riders Mohamed Karé et Saïd Saouti doivent répondre de faits de terrorisme devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Les enquêteurs les suspectent notamment d'avoir planifié des attentats à Bruxelles fin décembre. Premières heures de répit en Syrie pour les civils. La trêve entrée en vigueur hier en fin de journée est globalement respectée pour le moment. L'ONU réclame plus de sécurité pour ses convois humanitaires. Et puis cette arrestation en Allemagne, 3 Syriens soupçonnés d'avoir été envoyés par l'organisation terroriste État islamique ont été privés de liberté. Les 3 individus âgés de 17 à 26 ans sont arrivés en Allemagne en novembre dernier, probablement via la même filière que les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris. C'est ce qu'a indiqué le ministre allemand de l'Intérieur. Mais jusqu'à présent, aucun élément concret indique qui planifiait réellement un attentat. Retour chez nous avec la rentrée demain de plusieurs universités, notamment l'UCL, l'université de Namur. Une rentrée un peu amère pour certains, vu le dossier des reçus collés en première médecine. Ce contexte d'incertitude semble décourager des candidats aux études de médecine. À Namur, ce mardi, le bureau des inscriptions enregistrait 458 demandes contre pratiquement 600 l'an dernier. Par contre, les sciences exactes renouent enfin avec le succès, plus 15% de primo-inscrits par rapport à l'an dernier. Écoutez le recteur de l'Université de Namur, Yves Poulet. C'est un petit ouf de soulagement et mes collègues recteurs me disaient, nous n'avons pas de formation d'ingénieur, qu'en ingénieur c'était le même afflux, le même attrait. Donc voilà, au niveau des sciences, on a fait un très gros effort ici à Namur pour vulgariser l'enseignement scientifique. On a notamment créé le confluent des savoirs. C'était une volonté délibérée. Visiblement, ça marche. Ça marche. On a des auditoires qui commencent à se repeupler. Et tant mieux. Tant mieux pour mes collègues enseignants. Et une interview de Jean-Claude Ennui. Enfin, un mot de sport. La moisson de médailles se poursuit à Rio aux Jeux paralympiques. Le Belge Peter Guenein vient de remporter l'or sur le 100 mètres en chaise roulante. L'année dernière, il avait déjà remporté le titre mondial sur la distance Rennes. Il s'agit de la 4e médaille de la Belgique, la 3e en or. Bel après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Et maintenant, c'est presque sérieux avec vous, Walid, votre équipe. Effectivement, retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. Merci Rislaine. Et bon anniversaire. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Mais il arrive, elle est pleine d'humour, et elle explique que c'est quinte de tout, de manière très simple. Ah, mais c'est à chaque fois que je pense à Trump, je fais une allergie. En attendant, c'est pas une pneumonie, parce qu'une pneumonie, il y a des sons qui datent du mois de mars et du mois d'avril. Elle va mourir, là. Je lui tape dans le dos. Nicolas Sarkozy, hein. Laissez-moi vous dire. Mais c'est dingue parce qu'à chaque fois que vous imitez Nicolas Sarkozy, je me suis dit ça tout à l'heure, vous commencez toujours par laissez-moi vous dire. Vous savez pourquoi ? C'est la seule phrase que je maîtrise bien. C'est un remix. Oui, c'est un remix. Je peux même vous dire de qui c'est. C'est qui le remix ? Raoul Reyers. Barroso chez Goldman Sachs. Barroso chez Goldman, Juncker a du mal à se faire Hallyday. Pour la délicate question des vols de nuit, quelques simples mesures de GRH devraient faire l'affaire. Il suffit à mon avis de nommer Yo Cornu, l'ancien patron de la SNCB, à la tête de Brussels Airport. S'il parvient à maintenir les performances en termes de ponctualité qu'il a réussi à établir pour les trains, eh bien, les vols de nuit devraient rapidement devenir des vols de milieu de matinée. La première sélection du Goncourt, qui sera décernée le 3 novembre, on y trouve Nicolas Sarkozy, petit-fils de Judas chez Gallimard. Le premier livre de Cristiano Ronaldo, l'histoire finit bien. L'abbé Breuil, l'un des tout premiers paléontologues, surnommé le pape de la préhistoire, vient alors faire des études de la grotte. Mais c'est d'abord le chien qui a disparu, et puis après, forcément, à un moment donné, ils ont dit, il faut qu'on retrouve le chien. Ils ont vu une petite grotte, ils ont appelé l'abbé Breuil. Ils l'ont fait, abbé, qui était pape. Pape de la préhistoire, qui est arrivé, hop, il a regardé les dessins, il a fait, c'est vous qui avez fait ça, les mioches? Non, non. Et Pablo Picasso a dit, j'ai trouvé mon maître. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Le 13 septembre est la journée internationale du testament. Réduisez les droits de succession de vos héritiers. Et oui, le hasard de l'actu faisant bien les choses. Quelques années après que Bill Clinton ait fait l'essai maîtresse, sa femme Hillary pourrait bientôt faire le test. Le test Aban, hein, oui, puisqu'à en croire certains, une fois élue, elle pourrait très vite enfiler le posthume présidentiel. Alors, à votre bon cœur, messieurs, dames, oui, eux, c'est peu dire qu'ils ont bon cœur, puisqu'ils ont décidé de partager avec vous l'humour qu'ils ont reçu en héritage. Avec, pour commencer, notre presque Nana Mouskouri, oui, avec elle, Catherine Ronvaux. J'ai reçu l'amour en héritage. Ah, c'est beau. Bonjour Catherine Ronvaux, vous allez bien? Il fait déjà chaud dehors, mais alors là j'ai chaud dedans. Tiens, lui il a promis de léguer le manuscrit de ses mémoires à une bonne œuvre. Apocryphe. Oui, seule condition, disposer d'une bibliothèque nationale. Hein. C'est Corentin Candy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il suffit d'écouter une seule fois son journal des bonnes nouvelles pour se rendre compte que ce mec a tout d'un don du fiel. C'est Jean-Jacques Jespers. Bonjour. Mais oui, bonjour. Il est super généreux, il donnerait même sa chemise. Le problème, c'est que personne n'en veut. C'est Vincent Filbustier, bonjour. C'est pas vrai. Écoutez, c'est vrai en plus. Voilà. Chaque année, le 13 septembre, eh bien, il reçoit des testaments en guise de carte de vœux pour lui souhaiter un bon anniversaire. Bonjour Raoul. Et bon anniversaire. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Et vous savez, un bon anniversaire de la part de Rizlène Kunda. Ça fait toujours plaisir. Je peux mourir. Tiens, comme le testament, elle a couché sur papier cette émission, Carole Baquet, qui a préparé donc cette émission pour vous, et le mur du don. Oui, c'est sa dernière volonté à la réalisation. Roxane Brunet, merci à vous. Et bien d'être comme nos chroniqueurs du jour presque sérieux, vous l'avez compris, l'actualité ce sont eux qui la font, et c'est avec vous que nous en rions. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Faire ses statuts Facebook. Ajoutez une bonne cause dans votre testament. C'est la fin qui est bien, écoutez la fin. Et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Attendez, c'est pas encore là. Hein. Info et guide gratuit sur testament.be. Oh, y a quelqu'un qui a un bic. Avec le support de la Loterie Nationale. Avec le support de la Loterie Nationale. On embrasse bien entendu Jacques Mercier. On dit avec le soutien d'habitude. Oui, c'est le support c'est moins sexuel. C'est devenu... c'est l'anglicisme qui gagne. Ah, Nana Mercier. C'est beau. Une équipe désormais. Ravi. On ne la soutient plus. Ravi en tout cas de passer cette heure et demie en votre compagnie où nous relaterons l'actualité, toute l'actualité, rien que l'actualité de ce 13 septembre. Une heure et demie de rire, d'impertinence avec les commerçants au service de la Sécurité Nationale. On aura bien trois fois plus de leucémie autour du centre nucléaire de Mol. C'est ce qu'on apprend dans la presse. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois plus. Eh oui, eh oui. Le journal des bonnes nouvelles signé Jean-Jacques Jespers. Et puis des cadeaux que nous allons vous offrir. C'est également le cas sur notre page Facebook où je vous invite à cliquer, à liker et surtout à nous rejoindre. N'hésitez pas à le faire. Nous vous offrons sans plus attendre avec le qui a dit du jour, eh bien, Phileas et Autobulle, la revue des enfants philosophes de 8 à 13 ans. On vous offre et on vous propose surtout de remporter un abonnement annuel pour ce magazine, cette revue pour enfants, Phileas et Autobulle. On rajoute à cela un livre de casse-tête Logico des éditions Larousse et un chargeur USB aux couleurs de votre radio, la première. La phrase du jour et le qui a dit du jour. Vous aurez bien entendu droit à des propositions si vous êtes tiré au sort. Il doit se remettre en question. Ah ah, il doit se remettre en question. CPS, ce sont donc ces trois lettres que vous devez envoyer par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. À vous de jouer, on joue ensemble au qui a dit la phrase. Il doit se remettre en question. Réponse dans un instant, en tout cas dans une bonne vingtaine de minutes. En attendant, en ce 13 septembre, en cette journée particulière, car oui, aujourd'hui, nous souhaitons un bon anniversaire à Raoul Rejerski. C'est moi qui voulais que ça ne se sache oui. pas. Tous les quarts d'heure, il risque de se passer quelque chose dans cette émission. Ah oui, des surprises, oui, il va se passer des choses. Des malaises. Je ne sais pas. Avec tout le sucre qu'il a mangé, je suis certain. Non, parce que j'ai prévu le coup. Hein. J'ai presque plus de sucre ce matin. Il est venu H1. Bon, la une du jour, c'est parti. Allez, une petite info en chanson pour démarrer et juste après je vous poserai quelques questions relatives à l'actualité de ce 13 septembre. Écoutez. Alors, West Side Story, America. Alors, à votre avis, de quoi s'agit-il? De quelle info parle-t-on? Une comédie musicale. C'est une comédie musicale? Non, absolument pas. Hillary Clinton. C'est Hillary. On parle entre autres d'Hillary Clinton. Ah. Il y a de plus en plus d'hispaniques aux États-Unis parce qu'ils parlent aïe, aïe. Non, ils ne parlent pas comme ça. Non. C'est parce que les hispaniques votent Hillary Clinton. Pardon? Les hispaniques votent pour Hillary Clinton. Non, c'était pas ça. Les deux candidats sont malades. Non, c'était pas ça. Ils sont malades. On parle d'un côté d'Hillary Clinton. Ah, c'est le on n'arrête pas de faire des baromètres la libre. RTBF tous les jours pour le moment et en leur posant des questions maintenant tout et n'importe quoi et là on sait que les Belges y voteraient Clinton et Sarkozy. Et bien joué et Vincent aussi Lébutier. Un peu NVA, hein, il ne faut pas l'oublier. 19% bien entendu. Effectivement pour clôturer le baromètre politique la libre RTBF dedicated, eh bien les personnes sondées ont été amenées à se prononcer sur les élections américaines et françaises. Ouais, voilà. Pourquoi vous en pensez? Bientôt indienne du Bangladesh. Voilà. Déjà qu'on a du mal à voter et que le vote est obligatoire en Belgique, c'est vous en plus en de ça. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, aux USA, vous c'est sans surprise. Tout à l'heure. La candidate démocrate, elle, Hillary Clinton, qui remporte donc les faveurs des Belges à 70%, 20% des sondés ne se prononcent pas et 10% seulement soutiendraient Donald Trump. Sont les mêmes 10% qui font partie des 19% de ça doit être ça. Sauf que ces 19% d'Oualon en Flandre, oui. C'est beaucoup plus. Pour la France, on constate donc que les sondés au nord du pays connaissent essentiellement les candidats à la présidentielle qui ont occupé une fonction ces 20 dernières années. C'est Nicolas Sarkozy qui est en tête, suivi de Marine Le Pen, ça fait froid dans le dos, et de François Hollande, quand même. Termine. Ah ouais, sur le podium. Les autres, ils ne les connaissent pas, tout simplement. Alain Juppé, effectivement, arrive à la quatrième place. Signalons quand même que 50% des sondés ne se sont pas prononcés. Ah voilà, on ne se prononce pas sur la France, par contre, aux États-Unis. On dit ce qu'on a envie. Hein. Notez que se faire sonder n'est pas toujours agréable. Non, vous m'étonnez, ça fait toujours mal. Une question, tiens, relative à l'actualité du jour, en chiffres. Le chiffre du jour, si je vous dis 4 sur 10. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quasiment les Belges qui n'avaient pas d'avis sur la présidentielle. Non, c'est pas ça. Si je vous dis 4 sur 10... C'est plus glamour. Hein. Oui. Ce sont les enfants qui vont avoir des leucémies à cause de non. la... On parle de contrat. Mais de quel type de contrat? Mariage. Oui, mariage. Ah oui. Alors, on ne fait plus de contrat de mariage. Oui, en 2015, 4 couples sur 10 ont établi un contrat de mariage. Quand on se marie, on pense à la cérémonie qu'on va organiser, à la tenue qu'on va porter, aux alliances à acheter. Mais il y a une chose à laquelle les futurs mariés pensent de moins en moins, c'est le contrat de mariage. Eh oui, contrat de mariage, c'est séparation des biens. Oui, voilà. Oui. Non, ce qui est à toi non, est à moi, ce qui est à moi est à toi. En règle générale. Voilà. Normalement, s'il n'y a pas de contrat, c'est communauté légale. Oui, voilà. Communauté réduite aux acquets. C'est-à-dire, ce qu'on achète pendant la durée du mariage voilà, est censé faire partie de la communauté, mais tout ce qu'on avait avant, on reste propre. Et donc, sauf voilà. Si on achète en notre nom. Ah oui. Ça, c'est futé quand même. Enfin, faites ça. Voilà, vous achetez à votre nom avec l'argent de la personne à qui évidemment. Vous jouez. Évidemment. C'est encore plus vicieux. Effectivement, 4 couples sur 10 ont établi un contrat de mariage en 2015. Il y en a de moins en moins. Voilà, il y a déjà de moins en moins de mariages. Où allons-nous ? Tiens, autre question en rapport avec l'actualité du jour. Il s'appelait Tango, il était célèbre. Oh oui. Ah oui. Oh, j'étais triste. Ah, c'est qui ? Ah, oh, c'est le Tic. C'est le Tic de Tic. Le Tic des Sceaux. Ah oui, le tigre de cette pub. C'est pour ça que je vous Reducing some harmful emissions by up to 20% while still allowing your car optimum performance. Là, il saute. Ah, là, il saute. Oh, ralenti. Le tigre qu'on met dans son moteur. Bah, c'est pour ça qu'il est mort. Hein. À un moment donné, à force de vouloir mettre dans son moteur, on a fini par y arriver. Il s'est battu avec le lion de Peugeot. Vous trouvez vite deux marques d'essence parce qu'on a quand même cité Esso. Total Octa Plus. Le coil. Je peux en donner plein. Le coil, comme on dit. Le coil. Effectivement. Alors, il était de quelle origine ce tigre ? Il venait d'où ? Ouf. D'Inde ? Non. Enfin oui, à base d'Inde, mais Ah, de quel zoo ? Ouais, non. D'Anvers ? Pas loin, il a fini pas loin. De Grande-Bretagne. Ouais, célèbre tigre de Grande-Bretagne. Célèbre tigre de Grande-Bretagne. Tango, c'est son nom, a figuré pendant des années dans ces fameuses publicités pour les carburants Esso. Hein, le tigre qu'on met dans son moteur, c'est lui du moins, c'est un des 7 tigres qui a tourné dans les différentes moutures de cette pub culte. Il y en a eu 7 quand même. Les autres, ils les ont endormis. Bah, les autres, c'est devenu des pantalons. Des pantalons et des chaussures. Très, au très Palais moches. Royal, on peut les retrouver. Voilà, c'est ça. Et des carpettes à côté du lit. Il est décédé à l'âge de 22 ans. Il a passé les 2 dernières années et demie au parc Woodside Wildlife à Newbourne, en Angleterre. Vous remarquerez au passage ma belle prononciation en anglais. C'est dans le quartier pakistanais. Oui, ben voilà, comme ça on est en rapport avec l'Inde et tout ça. En tout cas, voilà, je sais pas ce qu'on va en faire d'ailleurs de ce tigre. Est-ce qu'on va l'empailler ? Oui. C'est vrai ? Mais non, quelle horreur. Je sais pas ce qu'on va en faire finalement. Ah, c'est vrai qu'on pourrait l'empailler et lui faire un animatronics pour les pubs suivants. Dans un musée. Ou alors il finira chez Haribo. On sait jamais. En tout cas, merci à vous d'être presque sérieux sur la première. Toute l'actualité, rien que l'actualité. Et on va s'y intéresser. Avant de vous annoncer la suite du programme, laissez-moi vous encourager. Eh bien, jouez avec nous. Nous jouerons ensemble au qui a dit dans un instant. CPS au 6031. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. C'est donc le code CPS qu'il faut envoyer sans plus attendre pour jouer avec nous au qui a dit. Il doit se remettre en question. À la clé pour vous, eh bien, le magazine Phileas et Autobull. Vous allez tenter de remporter donc un abonnement annuel. On vous offre un livre de casse-tête Logico aux éditions Larousse ainsi qu'un chargeur USB aux couleurs de votre radio. La première, il doit se remettre en question. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Réponse dans un instant sur la première. Et tout de suite, on s'intéresse aux commerçants qui vont devoir prêter main forte aux services de sécurité. Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom ! Spence ! Général Spence ! Mais qui êtes-vous ? Adolfo Ramirez, Gestapo. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Kamasutra, leçon 9. Investir dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Vous avez un projet de construction ? Tepalm vous donne rendez-vous lors de son week-end portes ouvertes les 17 et 18 septembre de 13 à 18h, rue des Frondaisons à Flémal. Toute l'info sur tepalm.be. Un overboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société ? Oui, hein ? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. Cette semaine dans Moustique, dossier spécial Caterpillar. Check-up économique de nos régions. Sont-elles condamnées ou en croissance ? Les aides et cadeaux fiscaux aux entreprises. Le vrai et le faux. L'actu décodé, le meilleur de la culture, des tendances et de la télé, c'est dans Moustique. Les taux qui piquent. Abonnez-vous maintenant et profitez de notre offre spéciale. Un an pour 79 euros seulement sur moustique.be/rentrée. sévère. Et oh, c'est vert. Quoi? C'est vert, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première. Mobile Info. Et à 16h, presque 20 minutes, c'est l'occasion pour nous de retrouver Caroline Gilliatt. Bonjour, c'est Caroline. C'est moi qui vous fais rire comme ça. Non, parce que, non, vous savez pourquoi, Caroline? Je vais vous expliquer. Que, juste avant de vous recevoir, j'étais en train de me dire, comment est-ce que quelqu'un pourrait vous draguer? Moi? Oui. Ah, mais c'est très facile. Il n'y a personne qui le fait d'habitude, alors je tombe très facilement. Enfin. Ah, je tombe très facilement. Genre, si ça va changer. Genre, si on vous dit, Caroline, on a envie de vous détricoter. Une blague en perdre la laine. Caroline Gilliatt, bien sûr. Caroline Gilliatt, évidemment. Détricoter. Ah, très dit détricoter, moi. Ah, ben écoutez, dites-nous un petit peu ce qui se passe sur nos routes. Bon, on va partir dans le chantier de Gérard, puisque ça coince un peu comme hier. On perd 35 minutes en direction de l'Allemagne, avec des fils de plus recours dans l'autre sens, vers Bruxelles. On a un accident qui s'est produit. C'est sur le viaduc de Gérard en voie de gauche, des fils supplémentaires en direction de Bruxelles. Ralentissement à cause d'un chantier sur le 411 Luxembourg-Bruxelles, avec des fils depuis Champion en direction de la capitale. Camion en panne, toujours sur le 411 Bruxelles-Namur, cette fois, à hauteur de Jésus-Seik. Voie de droite indisponible dans la bretelle de sortie en direction de Namur. Sur le ring, côté temps de parcours, 30 minutes supplémentaires en extérieur entre Zaventem et Grand Bigard. Sur les autres tronçons, vous perdez entre 10 et 15 minutes. Défile aussi dans le centre-ville de Bruxelles entre les tunnels Botanique et Léopold II vers la Basilique. Et puis pour rejoindre la France, ça coince, vous perdez 40 minutes sur le 17 Gand-Lille avec défile depuis Requiem. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Après les experts Miami, Manhattan, Las Vegas, bientôt sur notre territoire, les experts commerçants. Et oui, ceux-ci vont en effet recevoir une brochure grâce à laquelle ils pourront évaluer si leur client est un terroriste potentiel et devenir donc ainsi de véritables profilers, n'est-ce pas Catherine Ronvaux? Mais effectivement, c'est dans le journal ce matin, le service public fédéral économie élabore actuellement une brochure informative à destination des commerçants afin qu'ils puissent dénoncer les terroristes potentiels. Les bouchers halal vont avoir du boulot. Pardon, les bouchers à l'eau. Halal des halou, non? Allô la police en l'occurrence. J'ai en face de moi un terroriste potentiel puisqu'il vient de m'acheter un aloyal halal ou des aloyaux à l'eau. Enfin bref, ça doit forcément être un musulman, donc un terroriste. Bien, je retiens l'individu et moi-même et vous nous embarquez dans 5 minutes. À tout de suite. Oui, je ne bouge pas. Ça c'est un cas d'école de la parfaite intégration, le surréalisme belgo-musulman. Non, allez, pas d'amalgame. Les commerçants doivent signaler tout acheteur suspect de produits en grande quantité, comme je cite l'acétone, l'acide sulfurique ou l'engrais. Ou le C4. Je ne vous dis pas le nombre d'arrestations qu'il va y avoir dans le milieu agricole. Parce que niveau produits toxiques, certains fermiers sont plutôt généreux. Quand vous avez la chance d'avoir une clôture mitoyenne avec un champ en région rurale, il vaut mieux construire un mur que d'essayer de planter une haie. Hein. Ils utilisent des produits qui vous dégomment un sol en 3 heures et votre linge en 3 minutes. Même les enfants qui jouent dans la cour de récré sont licenciés pour petite vérole le jour où ils pulvérisent. Dans un autre domaine, mais toujours à propos de cette sécurité nationale, IKEA va livrer sa liste de clients et les images des vidéos de surveillance. Ben oui, imaginez, depuis l'année passée, ils ont observé la croissance record de leur vente de 11%. On l'a lu. C'est énorme et suspect, comme disait la partenaire de Rocco Siffredi. Eh bien, il y a deux secteurs en hausse. D'un côté, les armoires dites Abdelslam, légères, confortables et discrètes, style post-molenbeekois. Et de l'autre côté, plus extrême, les étagères Kallax, avec des grandes cases conçues pour compartimenter, classifier, cloisonner et bien séparer. Oui, alors que les étagères bibliothèques Billy sont, elles, un peu en baisse, ainsi que les saladiers Inox, pourtant bien pratiques quand les enfants réalisent un exposé sur les croisades. Pour en revenir à la brochure, délation pour les nuls, je l'imagine comme ce petit livret cartonné tout gras que l'on trouve dans les avions et qu'il faut vraiment prendre le temps de lire. Même si on est habitué des vols, même si on le connaît par cœur, il faut le lire. Ce livret avec des dessins tout simples qui nous expliquent que faire en cas d'accident et pas en cas d'explosion. Parce que là, c'est trop tard. Ça veut dire que le commerçant qui a vendu des produits suspects n'a pas lu, lui, la petite brochure toute simple qui lui explique comment reconnaître un suspect terroriste. D'ailleurs, comment on reconnaît un suspect? C'est simple. C'est quelqu'un de suspect. Ah, personne hésitante, nerveuse, confuse, qui bégaye un peu et qui tient parfois des propos illogiques. Équipé en liquide, je ne vous fais pas dire, vous allez me dire autour de cette table, Corentin Candy, moi je ne lui laisse pas 69 minutes après la publication de ce livret pour se faire arrêter par une patrouille de fliquettes en cuir. Bon, sérieusement, vous imaginez le commerçant qui a collé ce petit formulaire plastifié sur le flanc de son comptoir, à l'abri des regards, qui voit arriver un individu suspect. L'œil du commerçant s'affole entre le client et la brochure, entre un beau temps pour bricoler et c'est beaucoup des clous pour un seul homme. Le client qui trouve le commerçant suspect et ses propos inappropriés et qui heureusement se souvient des conseils de Jean-Michel qu'il a vu sur le net. Le client qui lui enfonce sans vergogne ses deux doigts dans les narines du commerçant enrhumé et pourtant innocent. Bref, il est possible que cette brochure puisse produire l'effet escompté, mais c'est pas sûr. Ah oui, c'est vrai que, imaginez un instant, vous allez chercher des fleurs ou effectivement de l'engrais et vous vous prenez la tête avec le vendeur. C'est moi, mais vraiment, juste comme ça. Ouais. Vous prenez la tête avec le vendeur, pas de bol. Il lui dit, tu fais le malin. Attends, je vais... suspect. Il n'y a même pas de suspect, monsieur. Mais j'ai rien fait. Suspect, j'ai dit. Je vote. Vous voulez une petite histoire dans mon quartier? Mais dites-moi. Il y a une dame qui... Attendez, jingle. Ça fait du bien. On commence par une vraie anecdote. Allez-y. Eh bien, c'est une voisine, on l'accuse un peu de voler des chats dans la rue, tout près de chez moi. Il y a un petit voisin qui a 20 ans et qui est barbu, normal, et il voit son chat à la fenêtre de chez la voisine, il va sonner, et engueulade. Et... Tu n'as qu'à foutre le camp avec ta tête de djihadiste. Pas vrai. Ah oui, je vous jure, c'est terrible. Mais elle voit. Il a récupéré son chat. Tout le monde voit son chat à la fenêtre un jour ou l'autre. Oui, je suppose. Elle les tue pas, elle les nourrit. On ne sait pas. Il y en a qui ont disparu. Eh bien, merci Raoul Reyer. C'était donc l'anecdote. Que se passe-t-il près de chez Raoul? Demain, une autre info. Un titre. Le distributeur de baguettes lui donne envie de mettre des pains. C'est beau. Oui, un type qui en a marre du distributeur en dessous de sa porte d'entrée et les gens viennent se garer et donc il a envie de leur mettre des pains. Mm-hmm. C'est un bon titre quand même. C'est-à-dire, c'est un lien avec la baguette et le pain, quoi. Une machine à pain et un pain. Je vous montre. Bon, c'est bien parce que c'est votre anniversaire, vous, Raoul. Hein. Vous savez ce que c'est un pain? Mais bien sûr. Ben alors. Ben alors quoi? Ben, on peut en mettre deux dans le sachet de la première. Oui. Un pain total. D'ailleurs, on va vous offrir des sacs. Ce sera tout à l'heure, on continuera à parler de pain. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire en envoyant donc ces trois lettres au 6031 CPS. Au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On joue ensemble au qui a dit. Le qui a dit du jour, je vous le propose tout de suite. Il doit se remettre en question. Différentes propositions et une seule réponse d'ici quelques minutes. Nous vous offrons le magazine Phileas et Autobulle. En tout cas, nous vous proposons de remporter un abonnement annuel ainsi qu'un livre de casse-tête Logico aux éditions Larousse et un chargeur USB aux couleurs de la première. Vous vous inscrivez et nous jouons ensemble avec la joie et la bonne humeur que vous nous connaissez. Nous sommes presque sérieux, tout comme vous. Vous êtes un petit peu partout en Belgique. Il y a Raoul Reyers, dont c'est l'anniversaire. N'oubliez pas de le lui souhaiter. Il y a Vincent Flibustier, il y a Jean-Jacques Jespers, Catherine Ronvaux, Corentin Candy, qu'on n'a toujours pas entendu. Hello! Ouais! Hey. Ah oui, c'est vrai, Corentin est là. Et vous, ne bougez pas, à tout de suite. La première présente le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson. Ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. Voici les résultats semestriels de Belfius. 600 000 élèves bien assurés à l'école. 53 projets smart pour construire la Belgique de demain. 131 000 nouveaux clients actifs. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ou même une nouvelle maison de soins dans votre quartier. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. La première, Léal et le Hong Kong Art Center présentent Taste of Hong Kong. Chorégraphes, danseurs, cinéastes et plasticiens, des artistes de Hong Kong et de Bruxelles vous offrent trois soirées inédites, ponctuées par les mets gastronomiques de la chef Georges Tang. Du 16 au 18 septembre, depuis Bruxelles, retrouvons-nous au cœur de Hong Kong. Léal, un monde autrement. Avec le soir. La première présente Chacun sa place de Véronique Gallo au TTO à partir du 7 septembre. Alors, c'est l'histoire, très drôle évidemment, de deux sœurs et d'un frère qui organisent pour les 60 ans. Enfin, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu. www.ttotheatre.be 02 510 0 510 avec le soir. La première. 16h30. Votre journal, Rislaine Kounda, bonjour. Bonjour à tous. La direction de Caterpillar a une nouvelle fois décliné l'invitation des députés. Elle ne viendra pas s'expliquer en commission sur la fermeture de l'usine de Gosselies qui touche 2000 emplois. La direction de Caterpillar se justifie en expliquant que la loi Renault qui règle la procédure de licenciement réserve les informations au seul conseil d'entreprise. Conseil d'entreprise qui a eu lieu hier matin. La délégation pour lutter contre le terrorisme, la délation, cette idée du gouvernement est en train de se mettre en pratique avec une brochure distribuée dans les magasins de bricolage, de peinture et les pharmacies. Objectif redoublé de vigilance et signaler les personnes suspectes qui achètent des produits potentiellement utiles à la création d'une bombe ou d'explosifs. La loi avait été votée par le Parlement avant les vacances. Vous l'aurez remarqué, une vague de chaleur traverse notre pays. Elle va se poursuivre encore demain. Ce mardi, le mercure est monté à 30 degrés, soit la température la plus élevée jamais enregistrée lors d'un 13 septembre depuis le début des observations. Et le record devrait être battu demain, mercredi. Voilà des titres qui seront développés dans les journaux de soir première et dans CQFD. Arnaud Reussen recevra Christian Kunsch, président du mouvement ouvrier chrétien, et Jean Hindrix, professeur d'économie à l'UCL. Autour de cette question, est-ce que le système actuel de pension est toujours finançable? Merci, Rislaine. Retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Ils sont tous presque sérieux, il est tout autant. C'est notre ami Nicolas qui nous vient tout droit de Mons. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, Walid. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors vous êtes enseignant? Exactement, oui, je suis enseignant. Voilà, et c'est l'anniversaire de votre femme, tout comme Raoul Reyers. Non. Ben oui, je voulais lui souhaiter à lui, à mon épouse, un joyeux anniversaire, voilà. Elle s'appelle comment, votre épouse? Elle s'appelle Maddy. Elle est dans les parages, Maddy? Vous avez réfléchi. Ah, j'adore. Elle n'est pas dans les parages. Vous lui souhaiterez de ma part. Elle est à l'école, mais peut-être qu'elle nous écoute. Ah ben écoutez, on l'embrasse. Elle s'occupe des heures de retenue. On l'embrasse. Et puis, vous allez tenter de lui offrir des cadeaux aujourd'hui. Déjà, le magazine Phileas et Autobulle, l'abonnement annuel qu'on vous propose, un livre de casse-tête Logico aux éditions Larousse, un chargeur USB aux couleurs de la première et un autre cadeau pour votre femme. Vous allez le découvrir dans un instant. Oui, je laisse la surprise parce que je suis en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir lui offrir. Oui, c'est surtout Carole Baquet. Pour mettre des pains. Non, c'est surtout Carole Baquet qui est en train de réfléchir. Elle va me faire une liste de ce qui nous reste dans une armoire et on va vous offrir un très très beau cadeau. Il y aura un sous-vêtement de Raoul. Oui, par exemple. En attendant, Nicolas, écoutez bien cette phrase, la phrase du jour avec laquelle vous allez jouer. Il doit se remettre en question. Ah, il doit se remettre en question. Qui aurait pu prononcer cette phrase des propositions? Catherine Ronvaux. C'est Morandini en parlant de son slip. Ouais. Hey, ça va. Jean-Marc Morandini. Bien sûr. Catherine Ronvaux. En parlant de son slip. Notez qu'il doit se remettre, ça aurait suffi. Il doit le remettre. Catherine Ronvaux, on va demander à Corentin Candy, il doit se remettre en question. Eh bien non, c'est le CDH. Bon, alors ne me demandez pas ce que c'est le CDH. Je suis avec attention à la politique belge, mais il y a des limites. Ouais. Le CDH donc. C'est le CDH qui a dit ça, c'est le parti PSC, politique qui parle. Ouais. C'est pas quelqu'un en particulier du CDH. Ah, c'est peut-être quelqu'un en particulier. Oui, peut-être le président. C'est qui? C'est peut-être exactement, vous voulez le nom? C'est peut-être Catherine Fonck, chef de groupe parlementaire du parti. C'est bien, la mémoire lui revient. Très bien connu. Je crois que c'était ça. Mais je suis pas sûr que c'est ça. Je suis pas sûr. Enfin, franchement, je sais pas. Dites Catherine Fonck. D'accord, Catherine Fonck. Catherine Fonck ou le CDH hein. Non, c'est le CDH qui doit se remettre en question, dit-elle. Enfin, ah, oui, dit-elle. Ouais. Prétend ouais. Corentin Grandi. Oui. Ouais. On arrête de jouer ou... On va demander à Raoul Reyers. Il doit se remettre en question. Et oui, c'est le pape qui a dit ça et qui veut réprimander l'homme. L'homme, l'habitant de la Terre, parce qu'il pète un peu beaucoup les plombs, mais aussi sa planète, et il doit se remettre en question. Il doit se remettre en question. Je suis plus Jean-Paul II. Je l'avoue, j'imite beaucoup plus Jean-Paul II. Eh bien... On va d'ailleurs vous offrir chez vous à la maison une imitation de Raoul Reyers, imitant Jean-Paul II avec le spectacle d'Edgar Schott. On fera une petite compile comme ça. Moi, je ferai Nicolas Sarkozy, Raoul Reyers, il viendra déguisé en pape. Et Edgar, il fera son spectacle. Vincent Flibussier. J'espère que Madi fera des gaufres. Il doit se remettre en question. Eh bien, c'est le plus vieil auditeur de la première qui trouve que la nouvelle émission d'humour de Jacques Mercier sur le testament n'est vraiment pas terrible. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Et puis, auditeur de la première, merci Vincent Flibussier. On va demander à Jean-Jacques Jespers. Eh bien, qui a dit ça? C'est Laurette Ankerlings, mais elle a dit ça à propos de Rudi Vervoort, vous savez, le ministre-président bruxellois. Ben, il est classé 15e parmi les personnalités politiques les plus populaires, mais en Wallonie, à Bruxelles, personne ne le connaît. C'est quand même incroyable. Le magnum de la politique. Alors... Retrouvons Nicolas, du côté de Mons. Nicolas, nous avions Catherine Fonck, nous avions le pape, nous avions... Morandini. Jean-Marc Morandini, le plus vieil auditeur de la première, ou Laurette Ankerlings. J'aimais beaucoup la première. Morandini. Mais dirais... là, pour le coup, pas moi. Mais je dirais Catherine Fonck. Je dirais plutôt Catherine Fonck. Répétez-le encore une fois pour être certain. Je dirais plutôt Catherine Fonck, Walid. C'est mon dernier et mot. Et pourquoi vous pensez que ce serait Catherine Fonck? Dites-moi tout. Parce qu'il l'a lu dans la presse ce matin. Eh, je n'ai pas de mérite. Eh bien si, vous avez... Et si, justement, vous avez le mérite de l'avoir lu, cette info. Effectivement, c'est Catherine Fonck. Wouhou! Ah, on voit que vous avez des enfants, vous. Nicolas, c'est gagné. Effectivement, il doit se remettre en question. C'est Catherine Fonck qui parle du CDH. Chef de groupe humaniste à la Chambre, elle réagit au dernier baromètre politique de la Libre qui donne le CDH à 10,5% en Wallonie et 6,5% à Bruxelles pour la toute première fois sous l'ère Lütgen. L'un des principaux mandataires du CDH donc émet ouvertement des doutes sur la stratégie du parti. Elle appelle le CDH à tenir compte des signaux envoyés par les citoyens et définit aussi les priorités de son parti en matière de sécurité et d'investissement. Je le dis très clairement, dit-elle, oui, nous devons revoir notre stratégie, nous remettre en question, mieux faire passer notre message, mais sans céder aux sirènes du simplisme à outrance. Voilà, en ces mots, ce qu'a dit aujourd'hui Catherine Fonck. C'est donc gagné, Nicolas, nous vous envoyons tous ces beaux cadeaux. Vous repartez avec cet abonnement annuel au magazine Phileas et Autobulle. On vous offre également un livre de casse-tête logique aux éditions Larousse, un chargeur USB aux couleurs de la première. Et pour votre femme, eh bien, ce sera la surprise. Écoutez, c'est parfait. Phileas Autobulle, je suis vraiment très content parce que je suis enseignant et je l'utilise de temps en temps et je trouve que c'est très bien fait. Donc, c'est un cadeau qui tombe à point. Je vous remercie beaucoup et continuez comme vous le faites, c'est parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas et je vous promets, on va vous mettre pas mal de choses dans l'enveloppe. Dans la haute, vous allez voir pas mal de choses, dont une dédicace de Raoul Reyers. Oui, mais mettons tout dans le sac. Oui, on va vous offrir un sac aussi aux couleurs de la première. C'est parfait, merci à vous. Encore bon anniversaire à ma femme et à Raoul. Et merci à Nathalie Hanson qui nous signale que c'est également son anniversaire. Oui, voilà, la copine de Raoul. Et à beaucoup, beaucoup d'autres gens. En fait. Oui, potentiellement, il y a une personne sur 365 qui nous écoute, dont c'est l'anniversaire. Eh bien, on les embrasse toutes et tous, effectivement. Merci en tout cas, Nicolas, restez-nous fidèles. Et d'autres cadeaux, justement, aux couleurs de Phileas et Autobulle. Donc, cet abonnement annuel, eh bien, on vous les offre sur la page Facebook de l'émission. C'est presque sérieux. Je le disais en parlant de cadeaux. C'est le moment, c'est l'instant. Si j'offre un sac. Il est fou. Non. Il n'a plus aucune limite. Vous jetez les sacs par les fenêtres. Soyons fous, à un moment donné, la maison est généreuse, la maison sait recevoir. Vous envoyez sac simplement avec vos coordonnées complètes. Le sac est vide. Hein. Oui, enfin, le sac. Est-ce qu'on a expliqué exactement figurez-vous que non. Je vais remplir le sac avec 2-3 bols. Il a fallu nettoyer. Est-ce que le boulanger nous a demandé de vider le bureau? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait contenir un renard? Oui. Non, pas notre mascotte, pas notre mascotte. Bon, en attendant, vous envoyez donc ça par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et on s'intéresse à l'actualité. Revenons aux choses presque sérieuses dans cette émission, puisqu'on apprend dans la presse du jour qu'il y aurait 3 fois plus de cas de leucémie autour du centre nucléaire de Mol. Oh, évidemment, Homer, il s'est juste pointé le jour où la centrale a ouvert. Je savais même pas ce que c'était une centrale funéraire. Et oui, une équipe de chercheurs a démontré dans une étude scientifique que les enfants habitant dans un rayon de 15 km autour du site nucléaire de Mol sont 3 fois plus touchés par des cas de leucémie, Corentin Candy. Et oui, effectivement, ce matin, le porte-parole de l'Institut scientifique de santé publique déclare « Je suis pas impressionné, fieu ». Manifestement, le mec ne voit pas dans cette étude beaucoup d'éléments neufs. Il tient à préciser, ce type d'étude n'a pas pour vocation de chercher des liens entre activité nucléaire et augmentation des cas de cancer. Mais non, évidemment, parce que si une étude devait démontrer un lien entre les centrales nucléaires et le cancer, on ferait quoi ? Il faudrait fermer ces centrales qui ont quand même coûté très très cher, ce serait fort ennuyeux. Bon, en attendant, les habitants de Mol ont tous reçu un compact disque de la compagnie Créole. C'est bon pour le moral. Alors bon... Moi, lien ou pas entre fuite radioactive et cancer, j'ai voulu en savoir plus. J'ai enfilé un impair et puis Raoul en direction de Mol. Ado de Raoul, donc, pour passer inaperçu. Et là, j'ai découvert ce qu'on essaie de nous cacher depuis des années. Je l'ai constaté moi-même sur place. Depuis l'érection du centre nucléaire de Mol, on constate un phénomène extrêmement inquiétant. J'ai découvert, les amis, que les gens qui habitent dans un rayon de 15 km du site de Mol sont tous devenus des flamands. Croyez-moi, si vous voulez, j'ai des enregistrements, ils sont tous atteints, tous par le flamand. Mais il y a pire, je suis en possession de la preuve du fait qu'habiter dans un rayon de 10 km autour du centre nucléaire faisait perdre 40 points de QI, rendait moche, gris, amer, agressif, lâche et méchant. Il faisait perdre tout sens commun. Le Vlaams Belang réalise toujours un énorme score à Mol et les habitants ont élu un bourgmestre NVA. Bon, j'en entends déjà qui évoquent le hasard, mais ce n'est pas un phénomène isolé, sachez. Je parle plus bas, parce que j'ai peur qu'on m'entende. Dans un rayon de 50 km autour de Tihange, des gens ont élu le fils de Guy Maton. Misère, misère. Vous voyez les conséquences. Alors donc, la gravité de ces conséquences sur les habitants de Mol est établie. Tous ou presque sont flamands. J'ai vérifié, les habitants parlent une sorte d'idiome composé de borborygmes effrayants, tout simplement effrayants, comme s'ils étaient dorénavant privés de palais. En fait, comme si leurs cordes vocales avaient été soudées entre elles. Exactement. Mon épouse m'écoute, qui est néerlandophone. Ce qui est étrange, c'est que les politiques flamands n'aient jamais pensé à ériger toutes les centrales nucléaires du pays en Wallonie. C'est le seul élément qui démontre qu'ils ignoraient que les fuites radioactives étaient susceptibles de provoquer des cancers auprès des habitants. Alors cette étude, il s'agit de tout sauf d'un horrible complot écolo. Vous savez, ceux-là même qui veulent mettre des panneaux solaires partout, des panneaux solaires, alors qu'il est prouvé que le soleil provoque des cancers de la peau. Des éoliennes partout, alors qu'il est prouvé que si par inadvertance, sous l'influence d'alcool de prune ou à cause de l'obscurité, vous tombez sur une catapulte prête à l'emploi, et bien qui vous envoie en plein dans les pales d'une éolienne lancée à pleine vitesse, et bien vous risquez fort d'être transformé en tartare de contribuables. Alors, pardon, c'est Marie-Christine Marguem qui a eu une heure de physique en secondaire pendant 3 ans, qui est la responsable de ce dossier. J'ai toute confiance. Alors le nucléaire aux mains de Marguem, bien entendu, c'est effrayant. Mais le nucléaire aux mains de Marguem, ce n'est quand même pas aussi effrayant que le photovoltaïque entre les mains de Jean-Marc Nollet ou une simple bougie, même éteinte, entre les mains de Fadila Lanen. Si, Raoul, on pouvait choisir Marie-Christine Marguem pour le nucléaire, même si choisir, c'est renoncer. Alors choisir Marguem, c'est renoncer fort, fort. C'est renoncer avant de commencer. On peut confier le nucléaire à Marguem. On peut aussi remplacer Hubert Reeves par David Jean Motte. Et Jacques Attali par Kiki l'innocent. Alors, mes conseils aux hommes mariés de Mol, en cas de fuite, vite, vite, courez dans le jardin avec votre déguisement d'apiculteur, appelez votre belle-mère et votre femme et dites-leur de sortir prendre un petit apéro en terrasse en respirant à plein poumon. Pour la toute première fois depuis le lendemain de votre nuit de noces, elles devraient toutes les deux irradier. Et voir sa belle-mère et sa femme irradier, c'est ce que j'appelle un des petits plaisirs simples de l'existence. Effectivement, voir cette morue, voir la mère de vos enfants tout illuminé par les fuites radioactives, c'est l'accomplissement d'un mariage heureux comme je l'entends. Bref, ma chute, hurle le public en folie. Il n'y a qu'une solution raisonnable, les amis, il faut pendre le dernier exploitant de centrale avec les tripes du dernier responsable de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Et maintenant, si j'ai encore un peu de temps, ma seconde chute. Quel spectacle vivant. Alors, vous êtes prêts, les amis? Oui. On va rire, je pouffe d'avance. Est-ce que vous connaissez la chute du dernier billet de Coco? Non? Ah bien, moi non plus, parce qu'il avait fermé la porte à clé. C'est drôle. Je vous remercie. Deux chutes pour le prix d'une. Cet homme est fou. Le problème est fou. Avec sa deuxième chute, on oublie tout le comique. Mais bien sûr, cet homme est fou. C'est pour Pierre Chorette demain. C'est ça. Et vous aviez la compagnie Crémol aussi. Hein. Effectivement. Je suis frustré. Là. Je rentrais chez moi désespéré. Mais écoutez, merci Corentin Candy dans la suite. Je rappelle que vous repartez avec des sacs aux couleurs de la première. Il suffit d'envoyer sac avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. 75 centimes le message, tout ça au 60-31. On s'intéresse aux histoires. Histoire au pluriel, signé Vincent Flibustier. Histoire avec un grand H, signé Laurent Dosset. C'est dans la suite, tout de suite, de C'est presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be, avec le soutien de Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui. Alors, pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville? De sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé? De ses vitres électriques à Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé? Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur Volkswagen.be. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La première. Mobile Info. 16h46, c'est l'heure, c'est l'instant de retrouver Caroline Gillet pour faire un point sur vos conditions de circulation. Caroline, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, on a pas mal de ralentissements à signaler, pas beaucoup d'accidents, mais surtout des chantiers qui posent problème. C'est le cas sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, à hauteur de Sherratt, 40 minutes supplémentaires en direction de l'Allemagne. On reparle de ce camion en panne sur l'E411 Bruxelles-Namur, à hauteur de Jésus-Seik. Voie de droite neutralisée dans la bretelle de sortie vers Namur. Un tronçon particulièrement ralenti sur le ring de Bruxelles, c'est en circulation extérieure. Zaventem, Grand Bigard, vous comptez 50 minutes supplémentaires à présent. Dans le centre-ville bruxellois, vous perdez quelques minutes entre les tunnels Botanique et Léopold II vers la Basilique à cause d'un chantier aussi. Et puis, vous ralentissez pour rejoindre la France sur le 17 Gand. Lille défile depuis Requiem, 45 minutes supplémentaires vers la France. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème ici. L'histoire qui s'invite presque sérieusement en fin d'après-midi sur la première. Rendez-vous d'ailleurs demain avec Laurent Dehausset entre 13h30 et 14h30 au programme Les Eaux Humains des 19e et 20e siècles, l'exhibition de ceux qu'on l'appelait les sauvages. Rendez-vous demain durant une heure autour de l'actualité et l'actualité qui s'invite également en ce 13 septembre. Alors il aurait pu vous poser une question. Qui est né un 13 septembre? Oui. Raoul Reyers. Il n'est pas le seul. Je l'avais oublié. Ouais, il y a votre ami. Nathalie Hansen aussi, ouais. Mais il y en a d'autres aussi qui sont nés un 13 septembre. On fera. Il y a Noël Godin, l'Antarteur. Ah oui. L'Antarteur qui est né un 13 septembre. Noël Godin. Vrai. Ah oui, oui. Et puis une question que vous propose Laurent Dehausset, que voici, écoutez. Depuis le 13 septembre 1970, la pose cravate est conseillée pour éviter de tirer en longueur. De quoi parle-t-on? Alors, la pose cravate. C'est une position? Alors la pose cravate. Ce type est malade. Le 13 septembre 1970, une pose cravate est conseillée donc pour éviter de tirer en longueur. De quoi parle-t-on ? S'il s'agit d'informatique. Non, absolument pas d'informatique. Des séances parlementaires ? Pas de séance parlementaire. Une conversation téléphonique ? Non, pas du tout. Et si on leur disait le cravate en anglais ? Tie. Tie, ouais, bien sûr, tie. Ah, c'est le tie break. Le tie break. Les matchs de foot ne durent trop longtemps. Match de tennis. Le tennis. Tennis, bien entendu, effectivement. L'US Open est le premier tournoi du Grand Chelem à mettre en pratique le tie break dans le troisième set lors d'une finale qui oppose deux Australiens. Et c'était donc un 13 septembre 1977. C'est quoi le tie break? Ben, c'est, en français, c'est dire jeu décisif. Ouais, que... Au lieu de poursuivre le match jusqu'à ce qu'il y ait deux jeux de différence, on fait un tie-break. Alors, premier set. Comment est-ce qu'il est traduit au Québec, le tie-break, donc le jeu décisif ? Le jeu de cravate ? Non. L'élan bougon. À votre avis ? Prends ton temps. La cravate indonésienne ? Non, c'est pas ça. Le tie-break, donc le jeu décisif en français maintenant, mais au Québec... Et dans le nouveau Brunswick, comment prononce-t-on et comment dit-on simplement le tie-break ? Je vous le donne, vous n'allez jamais trouver. Bride égalité. Voilà, ça veut rien. Bride égalité. Ils sont sympas. Et vous savez pourquoi le tie-break s'est-il de plus en plus répandu ? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place le tie-break ? À cause de la télé. Ah, effectivement, Jean-Jacques, à cause de la télévision, sous la pression de la télévision pour les retransmissions. Donc voilà, en tout cas, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de tie-break dans la troisième manche. Il n'y a pas de troisième manche. Non, il n'y a pas. Et en grand chelem non plus dans le cinquième set. Il n'y a pas de tie-break dans la troisième manche cette année. Cinquième pour la finale homme avant 2016. Vous avez compris ou pas ? En grand chelem non plus, il n'y en a jamais dans le cinquième set. Ça peut très bien faire 42-40. C'est vrai. Pour ceux qui n'ont rien compris, on vous invite à jouer au tennis. Okay. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Mais donc, invention du tie-break aujourd'hui, c'est pas mal. En attendant, petit souvenir, ça nous fait du bien. Ah, ça, j'adore. Ah, vous vous souvenez de ça, Raoul ? C'est pour vous, ça. Je vous le dédicace. Oui. C'est Diana Ross. Elle est Supremes avec... Ooh, Baby Love. C'est le genre de morceau qui fait plaisir. Petit souvenir sur la première, Diana Ross et les Supremes, Baby Love. Bonjour, messieurs Vincent. Une étude à venir, signée Raoul Reyers, mais avant des histoires, Vincent Flibustier, on vous écoute. L'histoire est en train d'être réécrite, les amis, c'est formidable, mais lentement, parce que c'est en train qu'elle est en train d'être réécrite. Blague sur les trains en retard, un must, comme dirait Gilles Dal, qu'on embrasse. Et oui, puisque la Chine, qui est très frileuse, vous le savez, sur l'histoire de Tiananmen, qui censure toute mention de ce petit massacre de 1989 jusqu'au résultat Google, va plus loin aujourd'hui. Un massacre qui aurait fait entre 286 morts, chiffre officiel, et 10 000, chiffre officiel. officieux. On dirait que c'est Jacqueline Galland qui a compté. Blague sur Jacqueline Galland, un must, comme dirait Gildal. Qu'on embrasse. Donc Pékin a décidé maintenant de bloquer toute mention du nom de la place dans les messages sur le Facebook chinois WeChat. Et WeChat, ce n'est pas un plat traditionnel au numéro 8 du menu, c'est une application de messagerie. Comme je dirais Gildal, ah ça. Allez, on embrasse. On vous embrasse. WeChat, d'accord. WeChat. On parle de Chine WeChat, avec, en fait, WeChat effectivement. Et puis une deuxième histoire, Vincent. Qui a envahi la Pologne le 17 septembre 1939 ? Jean-Jacques. L'Allemagne. Eh bien non, Jean-Jacques. Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, mais 16 jours plus tard, le 17, c'est l'URSS qui envahit la Pologne. Et on a tendance à un petit peu l'oublier parfois, vu qu'ils nous ont sauvés, etc. Mais à la base, Hitler et Staline se sont partagés la Pologne et ont envahi chacun la moitié du pays. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que la Cour suprême de Russie vient de statuer sur le fait que non, l'URSS n'a jamais envahi la Pologne et que si on parle du pacte germano-soviétique en le critiquant, ça devient un crime de réhabilitation du nazisme, carrément. Du coup, un blogueur qui avait fait un billet pour parler de l'invasion de la Pologne par les Russes en 1939 vient d'être condamné. La Russie, c'est vraiment top en 2016. Comme dirait Gildal. Évidemment. Humilier Jean-Jacques, ce n'est quand même pas très gentil. Bon, à 16 jours près. Oui, alors, je savais qu'ils étaient arrivés tous les deux. Deux histoires. Première histoire qui nous parle de cette application, hein, WeChat, où cette histoire en rapport avec le 17 septembre et l'URSS qui envahit la Pologne. De l'histoire. Les deux sont tout à fait possibles, donc je veux dire la deuxième. La deuxième, Jean-Jacques. Moi, je veux dire la première. La première, WeChat. Et puis Catherine Renvaux, elle pense quoi ? La deuxième. La deuxième, Raoul Reyers. La deuxième. La deuxième, roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour. Vincent Flibustier. Eh bien oui, c'est délirant, mais la Cour suprême russe a condamné un blogueur qui avait simplement réexposé les faits. L'URSS a bien signé un pacte avec Hitler et a bien envahi la Pologne en 39 aussi. En fait, ça fait partie d'une grande campagne de réhabilitation de l'URSS puisque Poutine cherche à faire effacer quelques traces des crimes des communistes pour réécrire la grande histoire de Russie. Évidemment, ça leur sert aussi à cacher un petit peu l'invasion de l'Ukraine, parce que la Russie n'a jamais envahi personne. Le plus fort, j'ai retrouvé ça, ce sont les déclarations de l'ambassadeur de Russie au Venezuela l'an passé, qui expliquait que l'URSS n'avait pas envahi la Pologne, mais que c'est la Pologne qui avait collaboré avec les nazis pour se laisser envahir. Et puis les Russes n'avaient plus d'autre choix que de se protéger, et protéger leurs frontières en allant s'installer à l'est de la Pologne. Donc profitons encore un petit peu de ces instants bénis, où on peut encore parler librement avant qu'ils nous aient envahis aussi. Merci Vincent Flibus, c'est une petite étude avant 17h, Raoul. Très vite, alors vous savez que les relations sexuelles illicites provoquent les tremblements de terre. C'est une fatwa religieuse. C'est une étude de l'ayatollah Kazem Selidi. C'est bien, c'est l'étude. C'est une petite étude. Et donc les femmes mal habillées incitent les jeunes à avoir des... Et alors ça augmente, il y a de plus en plus de relations illicites. Et donc, tremblement de terre. C'est QFD, monsieur. Voilà. Merci Raoul Reyers. Merci à l'échelle de Richter. Dans la suite, à 17h, on s'informe et puis surtout, on reviendra avec une exclusivité. Oui, on a le bilan de santé d'Hillary Clinton. Vous voulez tout savoir sur Hillary ? Vous saurez tout dans un instant. Restez sur la première. Merci d'être presque sérieux. Mitsubishi chez Renversante, conditions septembre en. Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi ? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Entrepreneur et responsable d'achat, vous qui, depuis des années, travaillait dans une relation win-win, découvrez quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus gratifiant. Grâce à 1500 ouvriers handicapés qui maîtrisent 60 métiers, dans l'impression, l'assemblage, l'emballage, le mailing, le jardinage et tant d'autres, vous allez maintenant découvrir le win-win-win. Une nouvelle perspective où vous êtes gagnant, où les travailleurs handicapés sont gagnants et où votre entreprise est gagnante. Faites appel aux entreprises de travail adaptées bruxelloises. Entrez dans l'ère du win-win-win. Retrouvez nos valeurs et nos services sur onsadapte.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Après cette première journée de grande chaleur, la nuit restera très douce, 17 à 19, voire 20 degrés, même plus dans les agglomérations. Et demain, encore une journée baignée de soleil avec des températures semblables à aujourd'hui, 28 à 32, peut-être même localement, 33 degrés possible. Une dégradation va donc intervenir jeudi en fin de journée ou dans la nuit de jeudi à vendredi. On aura encore temporairement de la chaleur jeudi, mais vendredi, on basculera dans de l'air plus frais, 18 à 24 degrés, avec quelques averses, 16 à 22 degrés seulement pour samedi, avec un temps variable. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Non, c'est non. La direction de Caterpillar n'a toujours pas l'intention de se rendre à la Chambre pour s'expliquer au sujet de la fermeture du site de Gosselies. Elle se retranche toujours derrière la procédure Renault. Les pharmaciens, les magasins de bricolage mis à contribution dans la lutte contre le terrorisme. Une brochure les invite à dénoncer toute personne qu'ils jugeraient suspecte. Un point sur vos conditions de circulation avant de développer ces titres, et c'est avec Caroline Gillet. Un point noir en particulier pour le moment, c'est le chantier de Cherat dans lequel vous perdez 55 minutes en direction de l'Allemagne avec des files depuis à l'heure. Dans l'autre sens, c'est plus fluide, vous ne perdez qu'une dizaine de minutes. Un chiffre pour ouvrir ce journal, près de 30 degrés à 14h en Belgique. C'est le 13 septembre le plus chaud jamais enregistré dans le pays depuis le début des observations météo. Si cette journée vous a plu, tant mieux, cela recommence demain. Des records de chaleur à cette période, c'est plutôt plaisant, même s'il faut aussi s'adapter, comme dans les écoles. Christine Borowiak s'est rendue dans la région de Charleroi. Monsieur Carlo est l'instituteur des 5e primaire dans cette école communale de Courcelles. Face à cette chaleur inattendue, il a dû innover. J'ai amené de la maison deux ventilateurs. J'ai conseillé aux enfants de venir avec beaucoup d'eau aujourd'hui. Les enfants, eux, ont bien du mal. Il fait beaucoup chaud et alors des fois je transpire et j'aime pas beaucoup transpirer. Du coup, Carlo Marini a adapté le cours. Plutôt que de voir de la matière qui demande beaucoup de réflexion, on fait un petit exercice et puis on s'arrête, on va dehors, on bouge un petit peu et puis après on discutera, on fera du savoir-parler. Les femmes de 16 à 17 ans... Dans le secondaire, ça n'est pas mieux. Les réteaux de l'Athénée provincial de Chapelle-lès-Lémont n'en peuvent plus. Les tentures ne sont pas très épaisses. Du coup, le soleil tape et nous, on crève de chaud. On a plus dur à se concentrer. Envie de sortir, ouais, et on n'a pas envie de travailler. Yeter Kovac, leur professeur d'économie, fait ce qu'elle peut. Les fenêtres sont ouvertes, la porte est ouverte. Et vous entendez les bruits de l'extérieur? Bien sûr, c'est un peu dérangeant. Les élèves aiment ça parce qu'ils sont un peu curieux. Donc... Déconcentrés. Tout à fait, bien sûr. Ici, le règlement intérieur a été adapté, nous explique Philippe Carboviac, éducateur. On se montre bien entendu plus souple par rapport à la tenue vestimentaire. Ça veut dire quoi, les jeunes qui viennent en short, par exemple, vous acceptez? Bermuda. Allez, Bermuda ou petite jupe, profitons-en tant que ça durera. Et oui, ce sera rebelote demain. C'était un reportage de Christine Borowiak et Natacha Mann. C'est non pour la deuxième fois. La direction de Caterpillar refuse de se rendre à la Chambre à la demande des députés pour s'expliquer sur la fermeture du site de Gosselies. Un refus que la direction justifie. Ce n'est pas compatible, dit-elle, avec la procédure de licenciement collectif qui a commencé hier. Le service juridique de la Chambre, lui, ne partage pas cette analyse. Quoi qu'il en soit, Caterpillar persiste et signe Marie-Paul Genôme et se retranche donc toujours derrière la loi Renault. Effectivement, c'est ce qui ressort de la réponse qui est arrivée ce matin sur le bureau du président de la Chambre. Un deuxième refus donc à une audition des députés des commissions économie et affaires sociales réunies. Souvenez-vous, un premier refus la semaine dernière avait provoqué la colère unanime des députés. La direction se retranchait derrière la loi Renault. Pour Caterpillar, cette loi réserve les informations au seul conseil d'entreprise. Un argument répété dans le courrier arrivé ce matin, la direction affirmant qu'il ne s'agit toutefois pas d'un manque de respect ni d'un refus de dialogue. L'argument ne tient pas la route, déplore Jean-Marc Nollet pour Écolo cet après-midi, brandissant l'avis des services juridiques de la Chambre. Mais rien n'y fait, la direction maintient son refus. La direction persiste dans son mépris, note de son côté le groupe PS de la Chambre. Les députés se passeront donc de cette audition. Rien ne leur permet en effet d'obliger la direction de Caterpillar à répondre à leurs questions. 300 postes d'emploi supprimés d'ici 2020 chez PNV. L'assureur emploie aujourd'hui plus de 1700 collaborateurs. Il assure qu'il n'y aura pas de licenciement collectif. La suppression de postes passera notamment par des départs naturels et de la mobilité interne. La direction se justifie par un marché de l'assurance en pleine évolution. Le secteur est marqué par l'utilisation des nouvelles technologies, la numérisation, mais aussi par un environnement de taux au plancher qui pèse sur sa rentabilité. Qu'ont en commun des pharmacies, des magasins de bricolage ou de peinture? Eh bien, un certain nombre de produits et ils pourraient servir à la fabrication d'explosifs ou de détonateurs. Alors aujourd'hui, ces commerçants sont appelés à dénoncer tout individu suspect. Le service public fédéral économie élabore en ce moment une brochure qui leur est destinée, Romain Bardet. Cette brochure est la conséquence d'une loi votée avant les vacances par le Parlement, une loi désormais plus sévère qui transpose le règlement européen. Certaines substances sont interdites à la vente et pour le reste, le commerçant doit signaler les cas suspects sous peine de sanctions. Achats en grande quantité, comportement nerveux ou paiement de grandes sommes en cash. Pour Didier Collard, patron d'un brico, c'est avant tout une question de bon sens. Comme on est un petit commerce de quartier, on connaît nos clients. À partir du moment où quelqu'un vient pour des grandes quantités, soit on refuse la vente, soit on lui dit carrément qu'on n'est autorisé qu'à lui vendre un bidon de 5 litres. Cette brochure explicative sera envoyée partout dans le pays d'ici octobre, précise le ministre de l'économie, Chris Peters. Du côté des pharmaciens, on n'a pas attendu la création de cette brochure. Koen Stretman, c'est secrétaire général francophone de l'association pharmaceutique belge. Pour nous, ce n'est pas nouveau. Déjà en juin, on avait pris connaissance qu'un projet de loi allait venir et on a anticipé, on avait déjà discuté de ça avec l'agence des médicaments et on a anticipativement informé nos pharmaciens fin juin de faire attention et d'informer le point de contact fédéral lorsqu'ils ont des cas suspects. À sa connaissance, aucun cas n'a encore été signalé en pharmacie. Koen Stretmans, pour qui la sanction est peut-être exagérée, même si selon le gouvernement, l'objectif n'est pas de jouer à la police, l'obligation de signalement est désormais bien là. Aurait-on déjoué un attentat en Allemagne? 3 personnes ont en tout cas été arrêtées dans le nord du pays. Elles sont soupçonnées de faire partie du groupe terroriste État islamique. Et au Fayoumi, les enquêteurs pensent qu'elles ont été envoyées en Allemagne dans un but bien précis. Oui, en effet, les premiers éléments de l'enquête semblent concorder. Les 3 suspects arrêtés sont syriens. Ils sont très jeunes et ils sont tous arrivés en Allemagne presque en même temps. Par ailleurs, ils étaient en possession de faux papiers d'identité manifestement fabriqués par un même atelier de contrefaçon situé en Syrie. Écoutez les déclarations du ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière. Les enquêteurs pensent que les suspects sont arrivés en Allemagne sur ordre du groupe État islamique en novembre 2015 et devaient se tenir prêts en Allemagne pour suivre les instructions du groupe État islamique. Cela indiquerait que nous avons affaire à une cellule dormante. Cette cellule dormante aurait aussi tissé des liens avec les auteurs des attentats de Paris en novembre dernier. Les suspects seraient arrivés en Allemagne via le même réseau. 2 des 3 personnes arrêtées sont enregistrées comme réfugiées en Allemagne. Les autorités allemandes soupçonnent le groupe État islamique d'envoyer des kamikazes dans les groupes de réfugiés. Pour le ministre allemand, c'est une stratégie qui a pour but de semer la panique en Europe et en Allemagne. La moisson de médailles se poursuit à Rio aux Jeux paralympiques. Le Belge Peter Guenhain a remporté l'or sur le 100 mètres en chaise roulante. L'année dernière, il avait déjà remporté le titre mondial sur la distance reine. Il s'agit de la 4e médaille de la Belgique, la 3e en or. Et puis, c'est un rendez-vous important qui se joue en ce moment pour la délégation paralympique belge. Joachim Gérard dispute son quart de finale en tennis en fauteuil. Son adversaire sera le double champion paralympique japonais Shingo Kunieda. En football, c'est l'heure de la reprise pour la Ligue des Champions. Ce soir, le grand bal redémarre avec les 8 premières rencontres de la première journée, parmi lesquelles PSG Arsenal, Barcelone Celtic ou encore PSV Atlético. Comme l'année dernière, les principaux favoris restent espagnols. 17h08, merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Et on a le plaisir de retrouver Walid et tous ses chroniqueurs. Merci Diane, retour dans l'information tout à l'heure avec Arnaud Reussen, 17h30, soir première. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Nous sommes presque sérieux, ravis de passer ces fins d'après-midi avec vous tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, entre 16h et 17h30. Nous sommes presque sérieux, c'est notre état d'esprit, c'est le vôtre, je l'espère. Nous remettons en question toute l'actualité, rien que l'actualité. On prend un peu de distance et avec un peu d'espièglerie. Surtout, beaucoup de réflexion. Oui, nous rions autour de cette actualité, puisqu'on ne le répétera jamais assez, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être presque sérieux, comme le sont nos chroniqueurs du jour. À commencer par Jean-Jacques Zesper, c'est son journal des bonnes nouvelles à venir. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Catherine Ronvaux est avec nous également. Bonjour tout le monde. Corentin Candy. Beaucoup de réflexion, j'ai fait une blague de Toto presque tout à l'heure. Ouais, mais... Beaucoup de réflexion. Oui, mais... merci. Vincent Flibussier est là également. C'est deuxième degré. Oui, oui, oui, salut. Bonjour, j'étais bloqué sur la blague de Corentin tout à l'heure avec sa chute qui ferme les toilettes. Extraordinaire. Un grand moment, c'était beau. J'ai pas compris. À redécouvrir ou pas sur le rtbf.be/ovio. Et puis c'est son anniversaire aujourd'hui. Non, vous y avez pensé. Souhaitez-le lui sur la page Facebook de l'émission C'est presque sérieux. C'est Raoul Reyers qui vous accompagne. Ça va Raoul ? Bonjour Walid. Bonjour Raoul. Et sur la page Facebook, justement, il y a des cadeaux que nous vous offrons. On vous offre un abonnement au magazine Phileas et Autobus. Un abonnement annuel. Faites-vous plaisir, rendez-vous sur la page Facebook. Souhaitez un bon anniversaire, par exemple, à Raoul. Et puis au programme de cette dernière demi-heure, il reste un peu moins de 20 minutes, on aura droit, pendant ce temps-là du jour, une presque star sera là. Et puis, le bilan de santé d'Hillary Clinton. Oui, vous saurez tout sur le bilan de santé d'Hillary Clinton. C'est à suivre. C'est presque sérieux. La une du jour, en tout cas, un titre que vous allez tenter de retitrer. C'est parti, c'est tout de suite. C'est presque sérieux. Sur la première. Et c'est une info que nous partageons avec vous aujourd'hui. La plainte pour abus de pouvoir déposée contre Jacqueline Galland, classée sans suite. En avril 2015, le premier échevin de Lens, Bruno Bottram, déposait donc une plainte pour abus de pouvoir et tentative d'intimidation contre Jacqueline Galland, qui était là alors bourgmestre en titre de la commune de Jourbis, puisqu'elle était par ailleurs ministre des Transports. L'échevin reprochait à Jacqueline Galland d'avoir exercé des pressions en 2012, au moment où sa sœur, Isabelle Galland, et maire aussi, donc à l'époque bourgmestre de Lens, faisait l'objet d'une motion de méfiance, avait été exclue de la majorité de la commune. Bruno Beltram a accusé Jacqueline Galland d'avoir téléphoné à son employeur pour en savoir plus sur sa position politique. L'homme estimait la démarche intolérable et avait donc déposé plainte. Il vient d'être débouté. La plainte pour abus de pouvoir déposée contre Jacqueline Galland, classée sans suite. De quelle manière vous pourriez retitrer cette information, Jean-Jacques Gespers? Les juges sont-ils trop galants? Pas mal. Vincent Philippe Bustier. La plainte pour abus de Jacqueline Galland déposée contre le pouvoir, classée sans suite. La plainte pour abus de pouvoir déposée contre Jacqueline Galland, classée sans suite. Un retitre, signé Raoul Reyers. Une bonne fois pour toutes, Jacqueline Galland est classée sans suite et rangée aux archives. Merci. Vous savez, les titres ne sont pas toujours précis. Non. Faut cliquer ici pour en savoir plus. Catherine Ronvaux. Mauvaise rentrée pour Bruno Bettram, jugé trop petit pour jouer dans la cour des Galland. Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est pas mon jour. Et puis, c'est pas son jour non plus, c'est Corentin Candy. Nouvelle humiliation pour Jacqueline Galland. La justice la déclare incapable d'abuser convenablement de son pouvoir. Excellent. C'est signé Corentin Candy. N'hésitez pas à titrer d'ailleurs cette information, à la retitrer sur la page Facebook de l'émission. Avant de découvrir le bilan de santé d'Hillary Clinton, place au Pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, Raoul, la trêve en Syrie. Oui, et la RTBF se félicite car Bachar l'a payé très cher. Raoul, apparemment, une explosion vient de retentir, non loin de chez nous. Mais non, Walid, ce n'est rien, ce n'est qu'un Samsung Galaxy Note 7 qui vient d'exploser. C'est le téléphone préféré des terroristes. C'est le téléphone qui l'explose sans que tu demandes qu'il explose. Ça fait boum. Et pendant ce temps-là, Paul Magnette déclare qu'il manque en Wallonie l'équivalent d'une KBC. Alors que KBC l'impôt serait plus judicieux, non ? KBC, jeu de mots. Blague. Et pendant ce temps-là, une info people, on apprend que Léa Seydoux attend son premier enfant, Raoul. Et normalement, elle devrait s'appeler Myrlène. Seydoux, c'est net. C'est Myrlène. C'est Myrlène. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Que ceux des 40 ans ouais, qui vont comprendre. C'est doux, c'est neuf, c'est oui. Merlène. Jean-Jacques a honte. Ouais. C'est mauvais signe. Mais attendez, il n'a pas encore entendu la suite. Oui, vous voulez tout savoir sur le bilan de santé d'Hillary Clinton. Malade, absente durant quelques heures, en tout cas encore plus que 24 heures, dans cette campagne présidentielle américaine que la première va couvrir pour vous. Eh bien, on s'est procuré son bilan de santé. C'est parti. Un état de santé un peu complexe au gué au gué, qui laisse Donald Trump un peu perplexe au gué au gué. On apprend d'après enquête qu'elle a peut-être le diabète, certainement une allergie aux tromperies de son mari. Une femme engagée en politique, au bilan de santé que l'on critique. Une petite pneumo, une grosse gastro, hémorroïde ou mal au pied, voire la scoliose, des mycoses, les corps aux pieds, un AVC, tout, je vous dirai tout sur Hillary. Voilà. Votre petit orchestre était épatant. Oui, oui, oui. La chorale. Vous avez décidé de voler le boulot de Cédric Gervier et de Cindy. Écoutez, on essaye, on fait ce qu'on peut. Le clip va arriver bientôt. Pour les majorettes. Je vous le dis tout de suite. On va déguiser Raoul en Hillary. Voilà. Il sera tourné dans l'infirmerie de la RTBF. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas d'infirmerie. Si, si. On laisse mourir la gens. Non, si, si, il y a une infirmerie. Bon, en attendant, une presque star, c'est parti, il est avec nous. La presque star, elle répond au doux prénom de Maxime. Bonjour Maxime. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Bien, et vous ? Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir avec nous. On va s'intéresser à vous dans un instant. Le temps pour nos chroniqueurs de découvrir la raison pour laquelle on parle de vous dans la presse. Je ne réponds à leurs questions que par oui ou par non, histoire de les mettre sur la voie. C'est parti. Est-ce que Maxime est bourgmestre en titre de Namur ? Non. Bah, est-ce que Maxime fait du web ? Maxime fait du web, non. Est-ce qu'il fait de la musique ? Pardon. Pardon ? Musique ? Musique ? Non. Cinéma ? Cinéma non plus. Bande dessinée. Bande dessinée non plus. Il est artiste ? Il est artiste non plus, mais je vais vous proposer un indice. C'est parti, écoutez. Ariel, nouvelle formule, fait partir le gras et la tâche. Ah, voilà. C'est encore en rapport avec les graines, tout ça. Et parce qu'à un moment donné, on devait rajouter une deuxième marque qu'on a oublié de mettre. Est-ce que Maxime est chimiste ? Maxime est chimiste, non. Ah si, je sais ce que c'est. Mais j'ai vu le titre, j'ai pas cliqué parce qu'il n'y avait pas découvrir, ça va vous étonner, donc j'ai pas cliqué. C'est une histoire de machine à laver dans la rue, ou de genre le Uber des machines à laver, mais à vocation sociale. Un truc comme ça. Effectivement, Vincent Flibustier, en tout cas, une association qui lance la Wasserette mobile pour sans-abri. Plus de 15% de la population, soit 1 652 000 personnes, vit sous le seuil de la pauvreté. Selon donc la 5e édition de l'annuaire fédéral sur la pauvreté et l'exclusion sociale, plus frappant encore, 561 000 personnes vivent en situation de privation matérielle, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de payer des biens et des services, et ou de se livrer à des activités perçues comme ordinaires, voire comme des nécessités. Phénomène particulièrement criant à Bruxelles. Et votre association, Maxime, Bulle, c'est bien ça, la Wasserette Mobile, eh bien, vient en aide aux personnes sans abri. Oui, voilà, donc c'est une association qu'on a créée il y a un peu moins d'un an. On n'est pas encore en action. Mais on a déjà un peu tâté le terrain, on a rencontré pas mal d'associations, de centres, on a déjà une camionnette, on a déjà des machines à laver. Voilà, donc en fait, pour le moment, on lance un crowdfunding pour essayer de récolter un peu d'argent pour pouvoir finir les installations et tout ce qui se rapporte à la mise en circulation du véhicule et tout ça. Se raccorder à l'eau, par exemple. Ouais, vous avez vous avez besoin de combien exactement ? Là, on a notre seuil est à 5 000, mais réellement on aurait besoin de 7 000. Voilà, on est déjà à 71% après 9 jours. 106 personnes qui nous ont aidés, c'est déjà énorme. On s'attendait pas à un tel succès. Enfin, eh bien, on va inviter les auditeurs qui nous écoutent à se rendre sur le lien qu'on mettra sur le site de la première, sur la page Facebook de l'émission, pour arriver très vite à cette somme, 7 000 euros, pour offrir donc un service de laverie aux sans-abri. Bulle, donc, espère venir en aide, en tout cas grâce à cette camionnette, 4 machines à laver et de produits de lessive pour venir en aide donc aux personnes sans-abri. Mais il faut de l'eau dans la camionnette, comment ça marche ? Oui, voilà, donc on aimerait bien se greffer aux organisations déjà existantes, comme ça aussi on va dans des endroits où il y a déjà un certain nombre de personnes qui se regroupent et qui, voilà, qu'on pourrait aider. Et voilà, essayer on espère pouvoir se brancher en eau et l'électricité dans ces centres. Maintenant, si le futur, voilà, si on a assez d'argent et qu'on arrive à avoir des fonds dans le futur, on espère avoir un générateur et des tanks d'eau, quoi, pour eh ben, on fera le nécessaire pour relayer cette information, mon cher Maxime. C'est inspiré d'ailleurs d'une association australienne, Orange Sky, oui, c'est bien oui, ça. Voilà. Hein ouais. Voilà, au départ, on a découvert on les a découverts sur Internet. Mm-hmm. On a pris contact avec eux. Ils nous ont pas mal aidés dans le début de l'organisation. Ils sont venus à Bruxelles. On a eu un très bon contact avec eux, et c'est grâce à eux qu'on a aussi eu un contact avec Electrolux et Manchester qui nous ont qui nous donnent les machines. Ah bah écoutez, c'est une belle chose, c'est franchement bien. Très sympa. Si les gens qui nous écoutent peuvent mettre à disposition que ce soit des camionnettes ou des machines à laver pour justement contribuer à faire en sorte que des personnes dans le besoin puissent avoir des vêtements propres, tout simplement. C'est la dignité humaine. Voilà, c'est mais comment est-ce qu'on verra qu'ils sont sans abri s'ils ont des vêtements propres? Ouais. Ah, bah bon, c'est ça, un peu embêtant. En attendant, merci Jean-Jean. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire. On mettra toutes les infos sur la page Facebook de l'émission. Offrir aux sans-abri un meilleur accès à l'hygiène, créer du lien social, orienter les sans-abri vers les services compétents en fonction de leurs besoins. Telles sont les missions de cette association Bulle, donc la Wasseret Mobile. Vous étiez notre presque star du jour, Maxime. On vous embrasse. Vous nous tenez au courant. En tout cas, on invite nous, les auditeurs de la première, et on sait qu'ils ont beaucoup d'argent. Je rappelle d'ailleurs que c'est la journée mondiale du testament. N'hésitez pas à faire des dons et surtout à aider cette belle initiative signée Bulle, cette Wasseret Mobile. Dans la suite, le journal des bonnes nouvelles signé Jean-Jacques Jespers. Et puis la fin de l'émission déjà. Ah ouais, ça passe vite. Quel est votre prénom? Julien. Donc vous avez une bonne nouvelle, on vous écoute. Bonne nouvelle n'est pas seulement bonne parce que c'est un avocat qui s'occupe de toutes mes affaires. Okay. Il paye tout et il m'envoie un petit peu l'argent toutes les semaines, c'est tout. C'est presque sérieux sur la première. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. Woo! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Comment vous voulez représenter, vous, les résultats d'une banque? Des messieurs en costume dans une grande salle de réunion? Un rapport énorme avec des graphiques très compliqués? Il y a une façon plus simple de les montrer, ces résultats. Les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises où vous travaillez, les piscines publiques, les pistes cyclables, ça aussi, ce sont les résultats de Belfius. À côté de nos 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. Non, mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première. Mobile Info. 17h22, que se passe-t-il sur nos routes? Réponse tout de suite avec Caroline Gillet. Et toujours pas mal de soucis dans le chantier de Cherat. C'est vraiment le gros point noir cet après-midi. Vous perdez 55 minutes avec des files entre Haller et Cherat en direction d'Aix-la-Chapelle sur cette 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Des files aussi sur la 600 de Lons-Saint-Chenet entre Ans et Angleur en direction de Chenet. Sur le Rigné, ça va mieux tout de même. Vous perdez encore une demi-heure en circulation extérieure entre Zaventem et Grand-Bigard. 20 minutes supplémentaires en intérieur entre Zaventem et le carrefour Léonard. Ailleurs, vous perdez entre 10 et 15 minutes. Ça coince aussi dans le centre-ville bruxellois entre les tunnels Trône et Léopold II vers la Basilique. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a des jeunes Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Arnaud Roysen, soir première. Sérieusement, l'information, ce sera d'ici quelques minutes sur la première. Mais d'ici là, il est le seul, oui, le seul à voir le bien là où le mal se trouve. Un journalisme en voie de disparition. Jean-Jacques Jespers et son journal des bonnes nouvelles. Ouais, première bonne nouvelle, la Belgique est définitivement le paradis de la sagesse bien comprise. Ainsi, je lis dans la presse ce titre. Les Belges plébiscitent Nicolas Sarkozy. En effet, selon le baromètre, s'ils étaient français, 16% des Belges voteraient Sarkozy à la prochaine présidentielle. Donc en Belgique, 16%, c'est un plébiscite. À ce compte-là, le PTB doit illico exiger le poste de Premier ministre et de ministre-président Wallon. Et le fait que 84% des Belges face à l'élection en France soit ne savent pas pour qui ils voteraient, soit choisissent un autre candidat, c'est tout à fait secondaire. La démocratie ne s'embarrasse pas de ce genre d'argutie et les bons messages, on le sait, sont les messages simples. Autre bonne nouvelle issue du même baromètre, qui décidément semble affecté par la canicule, un Belge sur deux est contre le vote obligatoire. Ben, c'est normal, qui peut être favorable à une contrainte? Quel citoyen normal peut avoir envie de se lever à l'aube un dimanche pour aller faire la queue pendant des heures dans des écoles nauséabondes? Évidemment, si on examine les données d'un peu plus près, c'est moins catégorique. Si on ajoute les voix de ceux qui ne se prononcent pas à celles des partisans du vote obligatoire, on obtient 54% pour le statu quo en Wallonie et 51% à Bruxelles. L'immobilisme et le conservatisme ont donc encore de beaux jours devant eux. On remarque aussi que plus on va vers la gauche, plus les électeurs veulent conserver le vote obligatoire. C'est normal, on sait que les premiers à se dérober à leur devoir électoral, s'ils n'y sont pas obligés, ce sont en général les pauvres et les moins éduqués. Mais ces gens-là ont-ils vraiment vocation à se prononcer sur l'avenir du gouvernement? Ils n'ont aucune fortune à protéger, ils ne comprennent rien au jeu subtil des institutions politiques. Au fond, il serait bien plus efficace et bien plus juste de rétablir le suffrage censitaire, ou au minimum le suffrage capacitaire. Seuls auraient le droit de vote ceux qui possèdent soit une fortune, soit un diplôme supérieur, à savoir les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont vraiment capables de choisir en connaissance de cause entre Vincent De Wolf et Jean-Luc Cruc. Et pas les roues. Second degré, bien sûr, tout ça, attention. Autre bonne nouvelle, le Dalai Lama est féministe. Ah ouais. Voilà une nouvelle qui va réjouir notre ami Amin Mojito. Le Dalai Lama a fait un tabac lors d'une rencontre écuménique à Louvain-la-Neuve, d'abord en remarquant qu'il n'y avait pas une seule femme parmi les représentants des religions, ça c'est quand même bien vu. Ensuite en disant que s'il y avait plus de dirigeantes politiques, le monde se porterait bien mieux, on ne peut que lui donner raison. Et enfin en souhaitant que le prochain Dalai Lama soit une femme. Le chef suprême de droit divin de la communauté religieuse et politique tibétaine a en effet annoncé en 2011 déjà une nouvelle procédure de succession selon laquelle il choisirait lui-même son successeur. Ce qui est quand même une bonne preuve de démocratie. Or, selon la tradition du bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain, donc, le Dalai Lama doit être une réincarnation de Shenrezig, le bodhisattva de la compassion, si vous préférez, le saint patron du Tibet. Il faudrait donc faire admettre aux Tibétains que Shenrezig peut se réincarner en femme. Mais on a le temps, puisque l'actuel Dalai Lama a dit qu'il ne ferait aucun choix avant d'avoir atteint l'âge de 90 ans, c'est-à-dire en 2025. D'ici là, la génétique bouddhiste aura sans doute évolué. Enfin, dernière bonne nouvelle, chez les utilisateurs de smartphones, Android, Pokémon Go est désormais plus populaire que Twitter, Facebook et Netflix réunis. Et aucune autre application n'est aussi fréquemment téléchargée sur les iPhones que Pokémon Go. Un succès fantastique qui fait le bonheur de John Hanke. John Hanke, c'est le créateur et le propriétaire du jeu en ligne. John Hanke n'est pas un inconnu dans le monde merveilleux du numérique. C'est l'ancien responsable de toutes les activités cartographiques de Google. Google Maps, Google Earth, Google Street View, etc. Et John Hanke est mêlé de près à WeSpy, le plus grand scandale d'atteinte à la vie privée aux États-Unis. En effet, les petites voitures qui parcouraient le pays pour récolter les images de Google Street View récoltaient aussi au passage les données des Wi-Fi des riverains, donc des adresses IP, des mots de passe, des emails, des dossiers médicaux, des comptes bancaires, etc. Ben. Alors John Hanke a bien reçu et bien retenu la leçon. Contrairement à Twitter, Facebook et Netflix, Pokémon Go exige un accès permanent à la caméra et à la localisation du joueur, soit une véritable mine de données sensibles couverte en principe par le secret de la vie privée. Pokémon Go est donc avant tout une entreprise de collecte de données personnelles et pas un joyeux divertissement. Mais qu'est-ce que ça peut faire du moment que les jeunes s'amusent et qu'ils ne sont pas au bistrot ou en train de partir pour le djihad? C'est vrai Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. En tout cas, merci Jean-Jacques Jespère, merci Catherine Ronvaux, merci Corentin Condi, merci Vincent Flibustier, merci Raoul Reyer, c'est bon anniversaire. On se retrouve demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. Passez une belle fin d'après-midi à l'écoute de la première. Tout de suite, soir première, Arnaud Reussel. La première présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h. Info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Pour chaque idée de business, ING a une idée de financement. Exporter mes gaufres de Liège en Asie. Des gaufres fourrées au jasmin et en format mini pour les manger avec des baguettes. Vous avez des idées pour développer votre business? Découvrez nos solutions de financement innovantes sur ing.be/financement.